Voilà, donc on va accueillir la prochaine intervention avec Zora qui nous parle de la manipulation médiatique et politique. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, à vous asseoir et à venir nombreux. Bonsoir, donc je m'appelle Zora, je suis chercheuse en sciences du langage et sur la transmission des connaissances et l'accès au savoir, qu'est-ce qu'on transmet et comment on le transmet. Donc clairement avec la langue on conditionne les gens, donc les médias, les systèmes politiques. Lorsqu'on parle de l'échec scolaire, on est du côté de l'échec de l'enfant, sauf qu'au vu du nombre d'enfants concernés, zones rurales, quartiers, cités, etc., c'est surtout l'échec de l'école de la République. Lorsqu'on nous parle des enfants, de l'immigration, c'est aussi fausser et mettre en place des idéologies parce que c'est surtout les enfants de la colonisation, hein, il n'y a pas de hasard non plus. Lorsqu'on nous parle du développement durable, c'est un oxymore, donc c'est-à-dire que c'est pas possible par définition, le développement ne peut pas être durable et on devrait parler de développement soutenable. Quel type de société on soutient, quel type d'école, quel type de rapport à la nature, quel type de rapport homme-femme, quel type de rapport au savoir, etc. Lorsqu'on parle de crime passionnel, c'est aussi fausser la réalité, mal nommer, c'est ajouter du malheur au monde, disait Albert Camus. Parce que lorsqu'on tue une personne du fait qu'elle est femme, ça s'appelle un féminicide. Voilà. Lorsqu'on nous parle, il y a énormément de choses comme ça dans le langage qui nous montrent qu'il y a des manipulations. Il y a une dizaine d'années, on parlait toujours d'émeutes pour les jeunes des quartiers, et c'est pour les criminaliser, pour montrer le côté délinquant et dangereux. On voit aujourd'hui que ça concerne les salariés de Goodyear, que ça concerne les salariés d'Air France, que ça concerne les manifestants pacifistes écologiques COP21, etc. Alors que si on aurait parlé dès le départ, au lieu de parler d'émeutes, mais de mouvements de contestation populaire, de mouvements d'indignation, de mouvements de désobéissance civile. Donc aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, quand on voit les violences policières, qui essaiment tous les mouvements de contestation, on se rend bien compte que c'est pas propre aux jeunes de quartier, mais c'est à partir du moment que citoyens, citoyennes, on manifeste un désaccord. Il faut savoir qu'en France, tout est fait pour soutenir le système capitaliste néolibéral, y compris de manière perfide et sournoise, c'est-à-dire que tout est fait pour entretenir l'intelligence logico-mathématique, donc le cerveau gauche. Parce qu'effectivement, le cerveau gauche, c'est le systémique, c'est le moule, c'est le répétitif, et que effectivement, les gens ont peur, donc diviser pour mieux régner, et quand les gens ont peur, c'est très utile au capitalisme, qui est le père de toutes les formes de terrorisme, donc politique, économique, social, etc. Et qui est d'ailleurs aussi responsable de toutes les violences, souffrances et misères qu'on peut constater aujourd'hui dans toutes les catégories de la société, sauf l'élite, donc l'oligarchie. Il faut savoir que démocratie au niveau étymologique, donc démos c'est le peuple, kratos c'est le pouvoir, donc le pouvoir qui est au peuple. Or on est dans un système toujours qui conditionne et qui cautionne donc le pouvoir à quelques-uns. Voilà. Alors que si on permettrait de favoriser d'autres types d'apprentissage et de développer le cerveau droit c'est la création, c'est la réflexion, c'est la pensée. Donc effectivement c'est dangereux dans une société où l'élite souhaite des moutons, que les gens soient capables de créer une pensée. Parce que ça permet l'empathie, la bienveillance, la coopération, la réflexion, le partage. Donc effectivement il vaut mieux que tout soit fait pour mettre les gens en échec, en difficulté, les isoler. Et la peur et la crainte donc est utile. Les gens consomment, les gens souffrent et les gens restent chacun de leur côté au lieu de partager des idées et mettre en place des mouvements comme on peut le voir aujourd'hui à Nuit Debout, à Paris et ailleurs. Le fait que tout ce qui concerne les arts et la culture, on voit ces dernières années les restrictions de budget, de subventions, ainsi que les interventions dans l'éducation nationale. Donc ça permet aussi, il faut savoir que tout ce qui est art, écriture, théâtre, improvisation, cinéma, tous les arts et cultures, voilà, sont les clés et les voûtes de l'humanité. Et lorsqu'on est dans ces types de pratiques-là, ça sécrète donc dans notre cerveau l'ocytocine, donc l'hormone du bien-être, mais aussi la dopamine, l'hormone de la motricité, de l'apaisement, de la cohésion sociale et des endorphines, donc qui contribuent aussi à faire participer le circuit de la récompense. Donc les gens se sentent mieux, la peur est mise en cage, c'est-à-dire que dans notre cerveau, le QG de la peur, c'est l'amygdale cérébrale, donc à l'arrière, et qu'une fois que la peur est mise en cage, ça nous permet effectivement de réfléchir, d'aller vers l'autre, de communiquer, de partager. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc effectivement, je critique l'État. Lorsqu'on voit comment on incite à la haine entre les différents peuples, c'est juste lamentable et pathétique. Lorsqu'on voit comment on discrimine des parties de la population par rapport à leur culture. Donc je suis effectivement le type d'expert que vous verrez jamais à la télé parce que je ne suis pas un homme vieux, blanc, de la classe dominante, élitiste. Et que clairement, quand on voit comment la France est passée de Victor Hugo à Éric Zemmour, c'est juste pathétique. Et ça montre bien le nivellement par le bas, qu'on a toujours les médiatiques sous les feux des projecteurs, c'est toujours les mêmes voix, et c'est toujours les mêmes aberrations qu'on peut entendre. Donc dans le discours des médias, il faut quand même savoir que ce sont les mêmes qui rachètent la plupart des médias, et y compris aujourd'hui les théâtres à Paris, qui restent les derniers espaces de liberté. Donc sous le leurre liberté, égalité, fraternité, on est simplement dans un système où on oppresse les gens, où il y a une sodomie avec le 49.3, on l'a bien vu, ça fait déjà deux fois et apparemment c'est pas fini. Parce qu'effectivement c'est dangereux d'éduquer des citoyens, c'est dangereux de semer des graines de la connaissance et qu'il faut mieux conserver le pouvoir pour l'entre-soi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne lutte. Ah si, un dernier détail, là quand il y a eu la COP21, on a tout le temps entendu parler de plein de choses, sauf qu'il faut savoir que j'ai travaillé partout parce que je suis une chercheuse de terrain et que c'est là qu'on observe le mieux. Donc j'ai travaillé en crèche, en maternelle, en école primaire, en collège, en lycée, en université, en prison, dans les centres sociaux, les MJC et les médiathèques. Et dernièrement j'ai travaillé avec les gardes forestiers, donc l'ONF. Il faut savoir que... A priori, quand j'ai été trahie là-haut, je me suis dit que c'est un des seuls lieux où je ne verrai pas de souffrance et de violence, parce que c'est ce que je constate partout. Sauf que leur employeur est l'État, que l'État français est en train de vendre la forêt française pour des profits économiques, et que dans ce milieu-là, ils sont que 5000 salariés, en ayant l'employeur État, j'ai constaté 41 suicides en un an. Ça veut dire que c'est des mecs qui sont passionnés par la forêt, que leur employeur l'État les oblige à découper la forêt pour la vendre, donc mal-être, non-écoute de leur employeur, etc. Il faut savoir qu'en même temps que COP21, leur seul centre de formation est en Lorraine, donc d'où je viens, et il a été mis en vente par l'État, et ils ont fait grève pendant 2 mois et demi, il n'y a pas eu un mot dans les médias nationaux. Voilà. Donc pour mobiliser pour cette lutte-là, parce qu'effectivement on est en situation d'écocide, on est en train de tuer le système vivant, et on est en situation d'humanicide où on est en train de tuer l'humanité, pour une raison de profit, on n'accorde pas de prix à la vie alors que c'est ce qui est le plus précieux. Donc je monte une action avec Ashkal et Saltimbanque, on va réaliser un clip au milieu de la forêt, un concert acoustique, et on va mobiliser sur cette cause-là aussi. Parce qu'effectivement aujourd'hui on tue tout le vivant, le capitalisme tue l'être humain, tue la jeunesse qui est souffrante, tue les femmes, tue les précaires, tue les travailleurs, tue les demandeurs d'emploi, les personnes âgées. En fait c'est simple, ça fait souffrir tout le monde sauf l'élite. Voilà, en vous remerciant. Merci beaucoup Zora. Est-ce qu'il y aurait une question, une intervention pour ouvrir le débat? Oui. Oui, enfin bonjour. Je voudrais parler en ce qui concerne entre la droite et la gauche. Entre la droite et la gauche. C'est que j'ai remarqué, enfin moi je ne suis pas spécialiste du cerveau, c'est que les gens, lorsque c'est quelqu'un de droite, ils réagissent très facilement. Mais quand c'est quelqu'un de gauche, parce que la gauche est toujours, c'est très subversif, ils font toujours à l'envers les choses, mais ils font exactement pareil. Donc il faut être, par exemple, lorsque le PS, par exemple lorsque, pour ne pas dire racaille, il dit quartier sensible. Donc ils ont aussi des éléments de langage. Donc je pourrais dire que le PS, ils sont très sophistiqués dans le mal. Ils sont très machiavéliques, beaucoup plus sophistiqués que la droite. Donc il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Voilà ce que je vais dire. Simplement, on ne répond pas, enfin, pas du tout mettre en règle de la société. Quand je parle de manipulation au niveau des mots, c'est effectivement repris par tout l'ensemble de la classe politique. Il faut savoir que les mots sont violés. On les vide de leur sens. Quand Sarkozy appelle son parti les Républicains, c'est juste pathétique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la gauche, la droite, ça n'a aucun sens. Si on prend une arène et qu'on charge les mots comme des bombes, il n'y a pas de gauche-droite. Ça, c'est un leurre pour tromper l'électorat, le public, la nation, le peuple. Et qu'en fait, on est plus dans un rapport le haut, le bas, le dominant, les dominés, l'oppresseur, les oppressés. Donc, gauche-droite, c'est aussi un gros mensonge. Donc, en fait, en France, on est sur des mythos, des fantasmes. On fait tourner les fantasmes de l'identité. L'identité est tout sauf nationale. L'identité est multiple. Je suis la fille d'eux, la sœur d'eux, la mère d'eux, la femme d'eux, la copine d'eux. L'identité est multiple et on évolue tout au long de notre vie. Qu'est-ce qui est national? C'est l'oppression, c'est la sodomie, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est la souffrance. Donc ça, ça montre aussi, encore une fois, comment on essaye de tromper les esprits, de fausser et que les gens ne réfléchissent pas et toujours dans la même dynamique, diviser pour mieux régner. C'est un exemple supplémentaire, mais il y en a beaucoup. Normalement, ma conférence, elle dure 4 heures. Voilà. Merci Zora pour ce discours qui est juste complètement, mais qui a tout résumé la situation de pas seulement de la France, mais des pays du monde entier depuis la colonisation en fait. Hein. On dirait que moi perso j'ai eu l'impression de m'imaginer quand on me parlait de l'histoire de la colonisation, genre des gens qui s'assoient autour d'une table, qui ont une carte et qui font bon bah alors on va tracer des traits, on va se dire que cette partie c'est à toi et on va appeler ça la France et ça va faire de ton peuple des Français. Donc voilà, donc l'histoire de nationalité c'est une histoire aussi de conquête, ça nous appartient pas. On a le droit d'être qui on veut, on a le droit de venir d'où on vient, enfin voilà, c'est... je voulais dire qu'il y avait... je suis aussi d'accord avec le fait que ça va de mal en pis en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne le développement de nos enfants. On est là en train de les critiquer, en train de dire que la génération XY, la génération X, donc celle des années 80 et Y des années 90. J'ai eu l'impression de me faire traiter des cervelés toute ma vie, alors qu'en fait, c'est notre éducation, c'est ce qu'on nous apporte, enfin les informations qu'on nous apporte à l'école qui sont plus ou moins modifiées au fil du temps, qui sont réduites aussi, rendues à une espèce d'essentiel qui... Et les enfants, c'est des consciences toutes fraîches qui sont là pour apprendre et au début de leur vie, c'est pour ça qu'elles arrivent sur Terre. Et nous, on est là, nous, on est ici pour leur transmettre notre expérience et ce qu'on a acquis, voilà quoi. Je sais pas trop où en venir, mais on a perdu toute notre responsabilité déjà d'avoir des enfants et de bien les éduquer. Et ces enfants-là, bah aujourd'hui, ils deviennent, ils sont aussi stupides que ce qu'on veut bien leur transmettre quoi. C'est juste ça quoi. Donc c'est aussi à nous de faire ce enfin on pourrait faire un travail de là-dessus chacun dans nos maisons de conserver notre éducation, enfin l'éducation qu'on veut transmettre à nos enfants et pas seulement croire en l'éducation que le système veut nous imposer veut imposer à l'enfant dans l'école ainsi que dans son foyer. Voilà. Pour en revenir aux enfants de l'immigration, donc comme je le disais, c'est un gros leurre, c'est en fait les enfants de la colonisation. Et après, enfin, faites-moi rire, c'est enfants jusqu'à quel âge et c'est enfants sur combien de générations. Donc ça montre bien aussi comment on fausse ce problème et comment on stigmatise encore et toujours et une certaine partie de l'immigration qui n'est pas arrivée par hasard, parce que je rappelle pas tous les affres, châtiments et peines des peuples qui ont été colonisés. Parce que la souffrance, elle était dans le passé, elle est encore aujourd'hui, c'est éternel, c'est quoi ce concept d'oppresseur, etc. Et concernant l'école, je suis aussi professeur de lettres, ce qui me permet d'étudier sur le terrain. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des gamins de la 6e à la 3e, lorsque je leur demande les émotions, j'écris tout au tableau et en fait on se rend compte que la plupart des émotions qu'ils connaissent, c'est des émotions négatives. Donc ils baignent dans cet environnement-là, dans cette société-là. On a une société qui est malade et l'école ne peut pas en être autrement. C'est juste le reflet, la continuité de la société qu'on a. Et quand on voit en termes d'exemplarité la criminalité politique aujourd'hui, la pièce est très facile de toujours montrer la racaille, etc. En même temps, tout est fait pour qu'ils soient dangereux parce qu'à la base, ce sont des jeunes en danger. Et c'est très bien pour masquer la pire des criminalités qui est la criminalité à col blanc. Voilà, parce que ce sont quand même eux qui sont responsables des pires des violences, des pires des souffrances, y compris du terrorisme politique, économique, social, écologique, etc. Voilà. Merci. Bon, Zora aussi, je voudrais te remercier parce que c'était juste parfait. Le diagnostic sur le monde d'aujourd'hui, enfin qui date pas que d'aujourd'hui justement, qui date de plusieurs siècles. En effet, premièrement, ce qui me met en colère, c'est ce taux de souffrance incroyable qu'il y a dans toute la société en France, mais aussi dans toutes les sociétés du tiers-monde. Si on remonte à la source, on peut le voir encore aujourd'hui, les mensonges de ces politiques qui prétendent gouverner en fonction de la démocratie, qui en réalité conditionnent tout le monde dans les médias d'une manière éhontée. Enfin, il n'y a pas une chose qui ne se permette pas, c'est tellement déshonorant ce qu'ils se permettent de dire, et bon, c'est quelque chose qui est vraiment insupportable. Maintenant, il nous montre une société où les gens ne... moi aussi je suis prof. Qu'est-ce qu'on va dire aux gosses? C'est quoi votre avenir? Qu'est-ce qui vous est promis? Bon, une terre qui est détruite du jour au lendemain. Des animaux qui sont dans un état de souffrance, pas possible. Des gens qui ne savent pas où ils vont. Pourquoi? Bon, la loi travail, c'est ça. On a atomisé tout le monde. Et la loi travail, ça vise à atomiser tous les salariés encore plus, à les dresser à l'intérieur même d'une entreprise qui marche, à les dresser en concurrent systématique, à vous casser complètement et à vous dresser en concurrent de l'autre. C'est insupportable. Il faut au contraire de la solidarité entre les êtres humains. Maintenant, comment ce pouvoir y gouverne? Eh bien, il gouverne à partir d'une violence incroyable. Cette violence, bon, nous, on la voit qui s'abat au niveau du tiers-monde. Pourquoi? Parce que c'est un monde de pillage systématique. L'être humain n'existe pas. Eh bien, hygiène, on le dégage, tout simplement. On pollue des nappes phréatiques, c'est irréversible. On détruit des peuples, par exemple, rien que l'uranium, on détruit le peuple Touareg tout entier. Ils meurent, voilà. Qu'est-ce qu'on leur offre? Rien. On ne reconnaît même pas les cancers et tout ce qui est là. Pourquoi? Pour Areva, pour donner de l'électricité ici. C'est en plus une entreprise qui ne marche pas, qui pille les contribuables. Là, je crois, je ne sais pas combien de milliards vont être engloutis par l'EDF pour faire marcher l'EPR et toutes ces conneries qui ne marchent pas. Et puis, ensuite, cette violence qui est générée par la guerre dans les pays du tiers-monde, elle est rapatriée ici. D'abord, elle est testée sur les quartiers populaires. Ça a été ça, le flashball et toute cette mise en place d'une répression systématique pour lesquelles, c'est vrai, quand on est légèrement privilégié, on n'a pas un regard attentif. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ensuite, eh bien, dès qu'il y a un mouvement social, cette même violence qui a été exercée d'abord dans le tiers-monde, ensuite dans les quartiers, elle arrive dans les entreprises, et elle arrive dans les manifestations. Voilà, la boucle est bouclée. Il me semble qu'il faut sortir absolument de ce monde. Mais ce qu'on se demande, par exemple en tant que prof, c'est quelle marge on a réellement par rapport à nos enfants. Totalement d'accord, et je vais même rajouter que les risques psychosociaux concernent toute la population sauf l'élite aujourd'hui. Pour donner un exemple concret, le burn-out a été sorti des maladies professionnelles. Pour donner un autre exemple concret, le suicide est devenu une maladie professionnelle pour l'OMS, ce qui permet de déresponsabiliser l'employeur, de le décriminaliser et donc d'enlever toute faute de sa part. Donc ça montre bien dans quel sens on va à chaque fois. On va dans le sens où on protège les nantis, ceux qui ont de l'argent, et on continue à exploiter, oppresser de plus en plus. Et pour moi, effectivement, on est sur ce mouvement-là historique où ça a été d'abord sur le tiers-monde, ensuite les cartes, et maintenant ça s'étend à l'ensemble de la population française. Effectivement. Merci. Merci. Bonjour, merci pour ton intervention. Par rapport à ce que tu as dit sur le fait que le clivage droite-gauche, c'est une mystification des mots, enfin, je sais pas si tu te réfères que à la situation actuelle, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que voilà, il n'y a pas de différence droite-gauche entre le PS et les Républicains, évidemment. Mais par contre, il y a tout un héritage historique d'une tradition de gauche qui est qui est une tradition populaire, qui a conquis beaucoup de choses, qui s'est exprimée. Enfin voilà, bon, je ne vais pas revenir sur tous les innombrables exemples, mais je pense que c'est pas seulement une mystification, qu'il y a encore une tradition qui est vivante aujourd'hui dans le peuple de gauche en France, et que ça a une réalité. Alors tu peux l'appeler haut bas si tu veux, mais c'est quand même voilà. Oui, d'accord. Mais ça existe quand même. Du coup, la gauche, je pense que ça existe quand même aujourd'hui en France. Voilà. Donc, je suis effectivement d'accord sur le fait que le peuple a encore une âme de gauche, et on le voit avec les mouvements de contestation qui ont aujourd'hui désobéissance civile, mais on l'a plus au niveau étatique, au niveau du système politique et de représentants dans les partis. Et c'est là que c'est pathétique, et c'est là qu'on détourne le sens des mots, on les charge sémantiquement, ou on les décharge en fonction des besoins et des intérêts économiques des entreprises et des personnes des partis politiques. Voilà, merci. Je voudrais juste apporter une petite précision par rapport à ce que tu viens de préciser, par rapport à la droite et la gauche. Quand Macron, par exemple, dit qu'il est de gauche, en un certain sens, il a raison. Mais pas au sens du XXe siècle, au sens du XIXe siècle. On est d'accord sur le fond, mais c'est sur le sens des mots. Je voulais intervenir sur le sens des mots. Du coup, je sais plus trop bien ce que je voulais. Sur un arrêt maladie, en fait. Je devrais pas être là. Ce que je voulais, c'est par rapport au sens original du mot gauche. Le mot gauche, quand il est apparu, c'était plus par rapport à l'ancien régime, à la royauté. C'était un mouvement libéral, c'était la bourgeoisie de l'époque qui essayait de s'affirmer face à l'aristocratie. Et en fait, la gauche n'est devenue gauche au sens où nous l'entendons aujourd'hui que au début du XXe siècle. Mais cela, je voudrais dire autre chose aussi par rapport au peuple, c'est que il y a un peuple de droite. Il y a un peuple pour qui tout est normal. Et c'est ça aussi je suis pas très très très cohérent pas très articulé dans ma pensée, je suis désolé. Mais il y a aussi des soumis qui ne peuvent pas imaginer ne pas être soumis. Et c'est ça, je pense aussi le problème fondamental sur lequel il faut que nous réfléchissions. Donc effectivement, le conditionnement, il est tellement subtil qu'il passe par la langue. Je donne un exemple, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est un choix idéologique qui concerne notre culture française. C'est pas un choix qui est fait dans toutes les langues. Après, effectivement, on peut retrouver un peuple qui, lui, va classer les femmes dans le feu, les objets dangereux et les femmes, quoi. Donc c'est vraiment, la langue, c'est une saisie particulière du monde, et on peut, à travers la langue, analyser l'idéologie, analyser les enjeux, le pouvoir, parce qu'effectivement, ceux qui ont le pouvoir, la foule bien pensante et pourtant malfaisante, vont se servir de la langue pour instrumentaliser et conditionner. Et effectivement, il y a une masse de personnes qui n'a même pas conscience de faire partie des gens qui sont conditionnés. Et c'est pour ça que la première des résistances, elle est intellectuelle. Avoir une prise de conscience, parce que réfléchir, c'est déjà désobéir. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un aurait une question ? Oui, une intervention, ça va. On parle de, du coup, l'État qui orchestre beaucoup de choses. Par exemple, quand on parle du tiers-monde, où ils vont liquider toutes les ressources, liquider les peuples, semer la terreur sur leur passage. Et en fait, on parle de prise de conscience aussi. Et je pense que dans les prises de conscience qui sont vraiment très très importantes à avoir, il y a la prise de conscience de notre consommation, parce que en fait dans notre vie on finance énormément de choses, et ces choses-là, l'argent qu'on donne a un impact considérable sur le monde entier. C'est-à-dire quand on va acheter des vêtements neufs dans des marques, dans des gros groupes, quand on va manger au McDo, ou même dans le petit resto du coin, si on n'est pas sûr de, je sais pas, on a aucune information sur le traitement des animaux, ou d'où vient le blé qui mettent dans leur pain. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on, qu'on arrive à créer une sorte de système parallèle, et ça existe déjà, c'est-à-dire des restaurants bon bah où on est sûr que c'est éthique, se vêtir que en seconde main, par exemple, il y a des boutiques Emmaüs, il y a des boutiques de fripes, où il y a des choses, voilà, où on sait que en fait on va pas donner son argent pour qu'après bah on exploite des enfants au Bangladesh qui font ce boulot parce que les adultes refusent de le faire et ça les rend stériles. La moitié de la population qui fait ce boulot aujourd'hui est stérile. C'est juste, en fait, faut vraiment être conscient quand on donne son argent à n'importe quelle marque, n'importe quelle personne, faut savoir où il va, parce que si on met son argent dans des choses bonnes, évidemment, ça va donner naissance à des bonnes choses. Et si on met notre argent dans des choses mauvaises, eh ben, ça va que contenir, là, le système dans un truc complètement pourri, qui est aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est vraiment hyper important de aujourd'hui, même quand on donne un centime, un euro, faut se dire à qui on le donne, quoi. Pour moi, c'est une des résistances aussi, en plus de la résistance intellectuelle. Mais on est totalement d'accord. Quand je parle de prise de conscience, c'est aussi dans ce domaine-là, parce qu'on parle d'humanicide et d'écocide, c'est-à-dire comment aujourd'hui on tue l'humanité, comment aujourd'hui on tue le système écologique et le système vivant. Et effectivement, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de transparence. Comment on peut expliquer qu'au 21e siècle, avec les nouvelles technologies de communication et d'information, avec Internet, etc., comment ça se fait qu'on n'a pas une transparence sur la traçabilité des produits, sur l'origine des produits et sur les conditions de production, etc., et le mal-être et les souffrances que ça peut créer. On en rejoint aussi sur la question de l'école. Aujourd'hui, l'école, tout est fait pour qu'on forme des consommateurs et des consommatrices et pas des acteurs, actrices de leur formation, de leurs apprentissages. Donc on en revient toujours au même problème. Comment tout est instrumentalisé, comment tout est conditionné, comment on oppresse les gens, comment les médias, etc. entretiennent la superficialité, la consommation et pas la réflexion. Merci. Aussi cette manipulation sur nos enfants, enfin d'ailleurs sur nos enfants, c'est celle qui est faite sur énormément de choses, dont la consommation des produits en les manipulant par des couleurs assez vives ou par des attitudes, enfin des petits nounours pour faire manger des céréales, choses comme ça. Mais il y a aussi il y a pas que cette éducation là, il y a aussi le fait de leur faire la différence trop souvent entre le bien et le mal, de faire trop de on les éduque à la différence, en fait, c'est-à-dire à faire la différence entre le bien et le mal, entre l'homme et la femme, entre plein de choses, quoi, en fait, entre beaucoup de sujets. En fait, on a cette notion de bien, cette notion de mal, cette notion d'homme et de femme, comme tu l'avais dit précédemment, ça s'acquiert par l'expérience, en fait, et pas en nous donnant un truc tout fait, enfin comment dire, tiens, voilà ton package, ton starter pack pour être sociable, quoi, en gros. Et c'est quelque chose qui me révolte, c'est vrai que c'est plus philosophique ce dont je parle, mais c'est quelque chose dont il faut bien faire attention quand même. C'est que c'est trop vouloir contrôler le mental et l'émotionnel d'un enfant que de lui dire ça c'est bien, ça c'est mal, même si c'est important de le dire sur certaines choses. Mais nous, on est trop en train de les stopper, de les empêcher de se développer, parce qu'on a peur de cette société, enfin on a peur de ce qu'elle peut, de l'image donc qu'elle peut bien véhiculer. Donc c'est toujours cette société qui engendre des comportements criminels et pas l'humain, quoi. Pas l'humain s'il vivait dans son état naturel. Et voilà. Et voilà, je ne sais jamais finir mes phrases, mais voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'on manipule trop. C'est pas les adultes qu'on manipule le plus. C'est vraiment les enfants, les naissances. J'ai l'impression qu'on enlève un enfant à sa mère dès la naissance, en fait, dès qu'il naît dans le système, quoi. Nous, les femmes en tant que mères, et aussi les hommes, faut pas les oublier, parce que c'est important aussi dans l'éducation d'un enfant, justement, d'avoir alors ce qu'on veut bien voir du mal et du bien, mais du positif et du négatif, et ce qu'il peut apporter à l'enfant, en fait, à son développement. Et on fait trop la différence, on le laisse pas explorer, et quand on doit lui montrer les choses, enfin on doit lui expliquer les choses, nous aussi on est un peu conditionnés par le système, et on leur véhicule des images aussi qui leur font peur, ou qui les conviennent pas forcément, quoi. Euh, Donc effectivement, en sociologie, c'est Pierre Bourdieu qui a apporté le concept d'habitus, et c'est tout ce qu'on intériorise sans même s'en rendre compte. Et effectivement, dans les familles, à l'école, la télé, partout, on conditionne à ce qu'un homme soit fort, qu'il ait le pouvoir, etc., qu'une fille elle soit faible et fragile. On le retrouve dans la classification des métiers, moins de 30% des femmes sont créatrices d'entreprises, moins de 30% des femmes sont dans la recherche, les femmes ne sont souvent... cloîtrées sur des postes précaires et par haute responsabilité, elles sont souvent sur la double tâche, maison, emploi, etc. Et dans le système scolaire, dans les manuels scolaires, j'en ai critiqué beaucoup, bah, Natacha va être secrétaire et pas astronaute. Les enseignantes, à l'heure de la sortie, vont dire c'est l'heure des mamans, hein, parce qu'elles ont que ça à faire, évidemment. On va tolérer les enseignants et enseignantes beaucoup plus de souplesse par rapport à l'attitude d'un garçon, parce qu'un garçon peut être turbulent, mais une petite fille, elle doit être sage, docile, à l'écoute, etc., etc., voilà. On en a tous entendu parler, on connaît, les garçons doivent pas pleurer, doivent pas être sensibles, voilà. Donc c'est encore une fois comment tout est conditionné. Et effectivement, dans les familles, chez les parents, à l'école, les enseignants, c'est partout. Et effectivement, la prise de conscience est la première des résistances, elle est d'ordre intellectuel. Déjà, se rendre compte de qu'est-ce qu'un être humain, qu'est-ce qui sépare. Parce que la connerie fondamentale, au départ, c'est de dire l'homme avec un grand H. En fait, c'est l'humanité avec un grand H, parce qu'on peut pas effacer 52% de la population qui sont des femmes. C'est pas possible. Donc là, cette connerie-là, elle se poursuit avec le masculin, l'emporte sur le féminin. Il y a 99 filles et un mec, c'est le masculin devrait le remporter. C'est faux. Il y a des langues où ils ont fait le choix du neutre. Il y a des langues où on a les deux pronoms, etc. Donc ça montre bien encore les idéologies qui sont portées en France. Il faut dire ce qui est. Les bien-pensants et les médias, merdia, parce que ça fonctionne ensemble, font tout pour que la France devienne un pays raciste, sexiste, élitiste, etc. Par exemple, ma jeune sœur, elle est arrivée deuxième meilleure jeune chercheuse de France au concours du CNRS, donc Centre National de la Recherche Scientifique, sur une thèse qui porte sur les crimes racistes sur les personnes d'origine maghrébine et noire. Sa thèse concerne, c'est des travaux sur les années 75 jusqu'à 2005, hein, donc c'est très très récent, encore sous Sarkozy. TF1 n'en a pas parlé, ils ont présenté le 18e, le 12e, le 9e, le 6e, mais le 2e, vous n'en avez pas entendu parler. Donc sur Internet, Rachida Brahim, effectivement, ces travaux sont intéressants et sont dangereux. Et effectivement, c'est pas pour rien que vous ne voyez pas la télé, parce qu'en général, faut quand même dire ce qui est les expellés, c'est des vieux, cons, blancs, etc. Et c'est toujours les mêmes. Parce que effectivement, c'est très bien d'entretenir l'entre-soi et cette pensée uniforme, alors que c'est une connerie. C'est comme quand on stigmatise le langage des jeunes de quartier, c'est aussi stigmatisé parce que pour les linguistes, c'est le français contemporain des cités, parce que dans ce langage-là, quand on l'analyse, il y a toutes les figures de style. Moi, je suis prof de lettres, donc quand je fais l'appel, je mets une chanson de Youssoupha à mes jeunes, on l'étudie et il y a tout, il y a les anaphores, les litotes, le zeugma, le chiasme, l'oxymore, il y a absolument toutes les figures de style. C'est un langage qui est propre aux jeunes de quartier, parce que ça aussi c'est stigmatisé. Il faudrait parler la classe populaire, ça a toujours existé. Le verlan, ça n'a pas été inventé dans les cités. Les verlans, ça existe depuis le 17e siècle avec le langage des bouchers où on mettait la dernière syllabe à la fin, etc. Il y a trois fonctions: identitaire, donc voilà, marquer son identité, cryptique, ne pas être compris par les personnes en dehors du groupe, et ludique, le fait de jouer avec la langue. Les joutes verbales ou les insultes, ça existe depuis toujours. Faut quand même se le dire. Pareil, quand on parle à chaque fois de l'intégration des jeunes, enfin moi j'ai juste envie de les tanner, parce qu'en fait ils expliquent pas qu'on désintègre une partie de la population. Donc c'est bien au départ, ils désintégraient les jeunes de quartier, les jeunes de la colonisation, après on désintègre les femmes, après les travailleurs d'Air France, Goodyear, les pacifistes COP21, maintenant c'est toutes les personnes de la nuit debout, en fait bref, tous ceux qui sont pas dans le moule et dans la case. Faut aussi expliquer que... expliquer l'identité nationale, donc comme je l'ai dit, il n'y a que la pauvreté, la sodomie, la misère, la souffrance qui est nationale. L'identité est forcément multiple. On change en fonction de notre âge, de notre travail, des personnes qui nous entourent. On est fille, mère, père, etc. Il faut savoir que la langue française, c'est aussi un fantasme socio-collectif. La langue française n'existe pas. Il y a des usages et des variétés de langue française en fonction de qui on parle, la situation. Il y a trois grandes variations qui traversent la langue française. La langue française change en fonction de l'époque. Aujourd'hui, le daron, c'est le père dans les quartiers. Deux siècles en arrière, c'était le tenancier du cabaret, celui qui avait l'autorité. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'un con, aujourd'hui c'est une insulte pour beaucoup d'hommes politiques, on pourrait dire, sauf que au départ, ça représentait le sexe de la femme. On va pas parler de la même manière dans le sud que chez moi, par exemple en Lorraine. Donc c'est aussi, on parle pas en fonction de la même classe sociale de la même manière, on parle pas de la même manière en fonction d'un état affectif. Je vais pas parler de la même manière quand je suis en colère ou quand je suis heureuse et apaisée. Je vais pas parler de la même manière à mon banquier quand je suis à découvert qu'à mon chien ou qu'à mes élèves en classe. Donc c'est encore une fois stigmatiser une partie de la population, c'est ne pas reconnaître la culture urbaine, la culture populaire. Moi je donne des cours avec mes jeunes, on fait du hip-hop, on fait de l'apro, on étudie du graph, on étudie Banksy, on étudie mystique. Voilà, parce qu'il y a un moment, faut arrêter les conservateurs, je retiens que la première syllabe quoi, les cons. Il y a un moment, la France elle évolue, la langue française c'est pas un bloc monolithique figé qui bouge pas, qui est statue, etc. C'est pas vrai, la langue elle est vivante. Et je rappelle aussi que dans la langue française, la moitié, alors il y a plein de mots qui viennent du celte et du gaulois, voilà, de l'anglais, parking, sandwich, chewing-gum, jeans, etc. Mais la moitié du lexique français vient de la langue arabe, donc c'est quand même bien de le rappeler de temps en temps. Il y a du berbère, il y a du kabyle, il y a plein de langues, mais dans la langue française, le mot sûr, canapé, orange, ça vient de l'arabe, alcool, hasard, ça vient de l'arabe, parce que les mots, c'est comme les gens, ça voyage, voilà. Échec et mat, c'est checkmate en persan, donc il y a un moment, faut arrêter de montrer tout ce qui est national et monolithique. Non, Zemmour, Welbeck et tous ces autres connards, ce sont juste les cercueils et cadavres fossoyeurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et parce qu'il y a un moment, forcément, montrant des mecs comme ça, on dirige l'opinion pour diviser, pour mieux régner, on profite de la pauvreté des gens, et en fait, maintenant, on met la plupart des gens dans les mêmes conditions qu'on a mis les jeunes de quartier, tout simplement. Et quand on est oppressé, quand on est mis dans des conditions de danger, qu'on est paupérisé, je rappelle que les jeunes de quartier sont en danger. Moi, je travaille en quartier depuis toujours, j'ai grandi en quartier, etc. En faisant mes études, tous mes jeunes ont été victimes d'accidents de la route, tous mes jeunes ont été victimes d'agressions verbales, d'agressions physiques. J'ai vu des scènes qu'on ne parle pas dans les médias. C'est pas pour rien que ma sœur travaille sur les homicides commis sur les personnes d'origine maghrébine ou noire. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas, et donc c'est la fatalité. Donc c'était Bertolt Brecht qui disait « On taxe de violence le fleuve qui emporte tout sur son passage, mais nul ne taxe de violence les rives qui l'enserrent ». Et en fait, on est dans ça. C'est les rives, c'est l'État, les rives étatiques enserrent à mort les gens de plus en plus. Donc au départ, les jeunes de quartier, les femmes, les pauvres, les personnes étrangères, etc. Mais au final, on est tous oppressés, il n'y a qu'eux qui s'en sortent très bien. Je rappelle juste que Macron, il vient critiquer en disant « on va travailler pour te payer un costard », juste pas déclaré l'ISF depuis 3 ans. Donc il y a un moment, l'exemplarité politique, voilà, la délinquance des jeunes de quartier, je suis désolée, elle est entretenue, elle est conditionnée, on les met en position effectivement de peur, de détresse, de mal-être. Pour être une femme et dans les domaines dans lesquels je suis, clairement j'ai créé 4 entreprises et à chaque fois pour créer mon propre emploi. Parce qu'effectivement, c'est dérangeant, parce que je ne représenterai pas l'excellence française du fait de mon prénom, du fait de ma couleur de peau, du fait de mon âge aussi, parce que c'est beaucoup de vieux cons qui veulent garder le pouvoir, etc. Mais on retrouve toujours les mêmes problèmes. Donc je vous remercie. Bon, avant qu'on se prenne la pluie sur la tête, est-ce que quelqu'un aurait une intervention, une question? Oui. Est-ce qu'il y aurait, enfin, simplement pour faire tourner un peu la parole, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui n'est pas intervenu encore? Oui, non, non, oui. Non, je voulais juste dire que dans la littérature française aussi, il suffit de relire Victor Hugo Les Misérables. Allez-y, relisez-le vraiment. Il y a tout un travail sur l'argot, un travail absolument magnifique de la langue de l'époque. Et c'est une merveille. Et c'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui avec le langage des jeunes du quartier, le mettre au goût du jour, reconnaître ce qu'il y a de beau là-dedans, comme Victor Hugo a reconnu la langue de son temps, la langue populaire. Et c'est vraiment une merveille. Voilà. Pour ce qui concerne, juste un mot sur la délinquance, c'est vrai que on met beaucoup de jeunes dans, où qu'ils soient, dans une telle nasse qu'ils en viennent à une telle exaspération et une telle souffrance que effectivement on peut parler parfois de chute dans une forme de délinquance, mais ça fait rire quand on voit l'immensité des paradis fiscaux. Et je rappelle que dans les paradis fiscaux, il y a plus de 30 000 milliards de dollars qui dorment et qui ont été volés dans tous les États au travail des citoyens. Voilà ce que je voulais rappeler. Et si vous veniez lire des extraits des Misérables sur cette place à l'éducation populaire, ça pourrait le faire d'ailleurs. Donc il y a ITD qui veut nous filmer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Personne ne se manifeste, ça vous dérange pas d'être filmé ? tout de suite maintenant. C'est par ITD. Ok, de toute façon on a fini, donc tu fais une conclusion. Donc pour finir ce que je vous disais, donc effectivement le RAF, moi je le considère en tant que linguiste spécialiste en sciences du langage comme de la littérature orale, ça fait partie du patrimoine culturel populaire et du patrimoine urbain et contemporain. Pour finir sur des propos, je pourrais vous raconter une histoire. Donc il était une fois une forêt qui subissait un terrible incendie, tous les animaux regardaient terrifiés leur forêt dépérir. Seul un petit oiseau, donc le colibri, mettait une goutte d'eau et allait éteindre ce feu. Le roi de la forêt le regarde en lui disant « Mais que fais-tu ? Comment penses-tu qu'avec cette minuscule goutte d'eau, tu pourras éteindre cet terrible incendie ?» Et l'oiseau lui répond « Je fais ma part. » Et en fait, on en est là, quoi. Il faut faire notre part. Parce qu'effectivement, on peut pas leur faire confiance. Ceux qui sont au pouvoir sont là que pour eux, dans des intentions égoïstes, purement financières et au détriment de la vie humaine, quelle qu'elle soit. Voilà, en vous remerciant. Merci beaucoup. Eh ben, n'hésitez pas à faire votre part avec proposant des interventions. Tous les sujets sont les bienvenus, que ce soit des sujets sur des savoirs pratiques, théoriques, des échanges d'expériences, des ateliers. Voilà, n'hésitez pas si vous avez de l'énergie, de la volonté à revendre. On est là tous les après-midi. Vous pouvez donc venir voilà nous rejoindre. Et qu'est-ce qu'il faut dire de plus ? Sur Facebook Zora Brahim, sur Facebook Debout Éducation Populaire, et voilà. Et puis je vous rappelle à tous que ce week-end donc on a deux journées thématiques qui peuvent vous intéresser. Donc dimanche en fait ce sera une journée thématique sur les violences faites aux femmes, donc de 14h jusqu'à 17h et à 18h notre réunion. Et samedi, ce sera une journée thématique sur Tafta, Ceuta, Tissa et Afrique. Voilà. Et exceptionnellement, samedi, ce sera à partir de 11h jusqu'à 13h, enfin 14h. Voilà. Et puis, je vous rappelle aussi, si ça vous intéresse et si vous voulez soutenir, qu'il y a la commission SDF sans logis qui sont donc là-bas sur ma gauche, qui organise jeudi à 10h à l'hôtel de ville un petit déjeuner solidaire. Donc, si vous voulez vous informer, ils sont là-bas. Et puis, n'hésitez pas à y aller jeudi. Et puis nous, bah, on revient donc demain à partir de 15h, il y a un créneau libre, et sinon à partir de 16h. Et si vous voulez, il y a des programmes pour tout le reste de la semaine, donc n'hésitez pas à venir en chercher pour ceux qui n'en ont pas eu. Mais donc le créneau de demain n'est plus libre à 15h, il y a une intervention. Merci à tous et à demain.